Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir Adama, le balafoniste, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. La salsa africaine a depuis quelques années gagné ses lettres de noblesse. Africando, que vous allez applaudir dans quelques instants, est né en 1992 de la volonté de quatre hommes. Pape Seck, Medoun Diallo, Ibrahima Sylla et le maestro Bonkana Maïga. Après des tournées aux quatre coins du monde, des albums à succès, les titres d'Africando sont aujourd'hui des titres cultes à classer dans les annales de la salsa. Ils vont jouer pour vous ce soir, juste pour vous, fidèles parmi les fidèles. Je vous demande d'applaudir et de recevoir comme il se doit Africando. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Africando. Et une salve d'applaudissements pour celui qui est à l'origine de l'orchestration de toutes les œuvres de cette formation panafricaniste. Je vous demande de recevoir le maestro Bonkana Maïga.